Il pleut abondamment et la chaussée est recouverte d'eau. Je distingue les traces des roues d'un véhicule qui précède. Si je roule trop vite, un coin d'eau risque de se former sous les pneus et créer le phénomène d'aquaplaning. Si plusieurs véhicules se suivent de près, comme c'est le cas ici, le risque de collision en chaîne devient plus important. Dans ces circonstances, je réduis mon allure et j'augmente la distance de sécurité. Réponse A et C.